le seul historien des plantes qu'avant Caius Valgius, je trouve parmi nous, est Pompeius Laenaeus, affranchi du grand Pompée. Et c'est aussi le temps où je vois que cette science a commencé d'être cultivée par les Latins. Mithridate, le plus puissant roi des rois de son époque, dont Pompée acheva la défaite, fut, plus qu'aucun des hommes qui l'avaient précédé, curieux des problèmes de la vie humaine. Nous en avons des preuves certaines, indépendamment de la réputation qu'il s'est faite. Lui seul s'est avisé d'avaler, après avoir pris des remèdes, chaque jour du poison, afin d'en neutraliser pour l'habitude les effets malfaisants. Il est l'inventeur d'antidotes, dont l'un conserve encore son nom, le mithridatisme ou la mithridatisation. Ce prince, parmi les éminentes qualités de son esprit, avait un goût vif pour la médecine et, recherchant des renseignements auprès de tous ses sujets, qui occupaient une partie considérable de la terre, il laissa, dans ses archives secrètes, une cassette remplie de mémoires sur cette matière, avec les originaux des recettes et les effets qu'elle avait produits. Or, Pompée, s'étant emparé du trésor royal, chargea le grammairien Laenaeus, son affranchi, de traduire ce recueil en notre langue. Et ainsi, par cette victoire, il servit également la République et le genre humain. La connaissance des plantes est ce que l'Antiquité paraît avoir le plus admiré. Il y a longtemps qu'on a trouvé le moyen de calculer à l'avance non seulement la nuit ou le jour, mais encore l'heure des équipes du soleil et de la lune. Et pourtant, une grande partie de la foule reste persuadée que ces éclipses sont produites par des enchantements et des herbes, et que cette science, qui appartient aux femmes, est la plus efficace. Et pourtant, je vois la plupart des hommes penser qu'il n'est rien qui ne puisse se faire par la vertu des plantes, alors que les propriétés du plus grand nombre nous sont inconnues.